Vous écoutez Radioactive, nous sommes mardi, il est 13h et c'est l'heure de retrouver la chronique Conso, cette chronique qui vous conseille chaque semaine et pour nous conseiller, eh ben, qui de mieux que notre chargé de com de l'UFC Que Choisir 37, Joël Costanza, qui nous retrouve chaque semaine pour nous donner des bons conseils pour ne pas tomber dans les arnaques. Alors aujourd'hui, Joël, vous allez nous parler d'un sujet typiquement féminin, mais les hommes peuvent quand même aussi rester à côté de leur radio. Oui, il n'y a pas de problème. Eh bien oui, parce que la moitié des hommes, eh bien, sont des femmes. Et pour la plupart d'entre elles, ben, il y a une réalité qui revient tous les mois, réglée à quelques jours près, à quelques heures près parfois, eh bien, les menstruations. Alors, les menstruations. Pour nos auditeurs et auditrices, on rappelle que ça porte aussi d'autres noms. Eh bien, il existe de nombreuses expressions qui permettent de parler de ces menstruations sans avoir à les nommer directement. Or, ce sont pour la plupart des métaphores, hein, par analogie de couleur, la saison des fraises, avoir ses coquelicots, ça peut être des euphémismes, être embarrassé, des hyperboles, les chutes du Niagara, des personnifications, tant Rose a débarqué, les Anglais ont débarqué, avoir ses Mickey. Et puis certaines un peu plus vulgaires, hein, comme avoir le cul dans les fraises. Alors, il y a beaucoup de types différents de protections. Oui, alors je ne vais pas remonter aux protections en tissu lavable que nos grands-mères avaient et lavaient. Parce que depuis l'invention des premières serviettes périodiques jetables, hein, je rappelle quand même dans les années 1920, l'offre commerciale s'est considérablement étoffée. Alors vous avez des protections internes ou externes, jetables ou réutilisables. En fait, les options sont nombreuses, hein, serviettes périodiques, tampons, culottes menstruelles, 10, etc. Et les cups aussi depuis quelques années maintenant. Tout à fait. Alors, toutes ces protections, votre association les a-t-elle testées ? Oui, tout à fait, et même à plusieurs reprises. Depuis notre premier test de protection périodique en 1973, eh bien, le marché a beaucoup évolué. Ah oui. Alors, à l'époque, hein, c'était simplement cantonné aux seuls tampons et serviettes jetables. Ils proposent, bien sûr, aujourd'hui, beaucoup plus d'options, notamment réutilisables. Mais, en fait, on se pose toujours les mêmes questions. Bon, alors, petit retour en arrière, 1973. Alors, 1973, premier test, nous testions des tampons et des serviettes jetables en nous interrogeant surtout sur leur capacité d'absorption et sur le risque d'infection. Mmh. Alors, à l'époque, hein, les résultats de ces tests étaient très variables, mais quand même, hein, 20% des lectrices interrogées se plaignaient d'une absorption insuffisante. Vous savez, toujours la peur, oh, mon Dieu, il va y avoir une fuite. Mmh. Alors, depuis, les utilisatrices étaient alertées sur le risque d'un intense développement microbien source d'infection qui était lié au port prolongé d'un tampon. Alors, le retrait, en fait, était proposé comme suffisant pour résoudre ce problème. Voilà. En effet, c'est sûr que ça ne va pas garder une semaine, évidemment. Non. Nouveau test en 1992, près de 20 ans plus tard. Oui, alors là, nous avions mis l'accent sur la pagaille des appellations entre les protections et ce qui empêchait souvent les consommatrices de faire un choix éclairé. Alors, on dénonçait surtout les appellations qui étaient présentes sur les boîtes de tampons, vous savez, mini, normaux, super. En fait, ils avaient exactement la même absorption. Pareillement pour les serviettes, hein, les capacités d'absorption étaient encore très variables parce qu'il y avait certains modèles qui était marqué ultra mince, qui était en fait plus absorbant que des produits qui étaient marqués maxi nuit, qui étaient eux censés être très absorbantes. Et on parle enfin du syndrome du choc toxique. Mais oui, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, hein, de ce risque qui était lié au port prolongé d'un tampon. Hein. Et là, pour une fois, on le nomme. C'est le syndrome du choc toxique. Alors, c'est une infection rare, mais qui est liée aux protections internes. Hein. Donc, l'atmosphère confinée et le fait que le vagin soit totalement bouché, hein, et que les tissus qui sont très vascularisés ne soient pas oxygénés, mais en fait, ça favorise la production d'une toxine bactérienne, hein, la TSST1, hein, qui est produite en fait par la bactérie, le Staphylococcus aureus, hein, Staphylococcus doré. Hein. Et les fabricants se montrent alors plus prudents. Certains préconisent encore un port quand même qui peut aller jusqu'à 12 heures, ce qui est quand même énorme. Énorme. incroyable. Nouveau test en 2016. Alors en 2016, les choses s'améliorent un peu. D'abord, on constate une grande variabilité au rayon des serviettes. Et puis, vous l'avez dit, il y a l'apparition de la coupe menstruelle qui est testée auprès d'un panel et qui obtient un bon score de satisfaction. Et puis, il y a surtout un important changement sociétal parce que les consommatrices montent enfin au front pour exiger plus de transparence. Plus on est en 2016, là. Oui, plus de transparence quand même qui ne sera obtenue qu'en 2023, notamment sur ce qui est dans la composition de ces tampons. Et puis, on a surtout le taux de TVA qui est appliqué à ces produits. On demande à ce qu'il baisse pour rejoindre celui des denrées essentielles. Parce que quand même, jusqu'alors, les protections étaient taxées comme des produits de luxe à 20% au lieu de 5,5%. Alors, je suis désolée, mais... Vous êtes toutes les femmes qui nous écoutent savent très bien que les protections périodiques ne sont pas des produits de luxe. Non, et c'est un budget. Voilà. Alors, nouveau venu sur le marché, les culottes, les éponges et les disques menstruels, les tampons lavables aussi. Oui, alors, les culottes, la plupart n'ont pas une absorption suffisante par rapport à leurs revendications qui sont souvent bien trop optimistes. Et surtout, l'absorption diminue à mesure que les vêtements sont lavés. Alors, il est vrai, faut reconnaître que la capacité absorbante s'est améliorée, mais les fabricants peinent toujours à élaborer un produit dont les performances tiennent vraiment dans la durée. Mais... Et alors, les éponges ? Ah oui, alors les éponges, ça, c'est parmi l'éventail des protections menstruelles, un dernier venu, des éponges naturelles ou synthétiques. Je découvre. Réutilisables ou jetables. Donc, c'est un produit un peu inhabituel qui soulève un peu quelques doutes. Alors, les éponges jetables. Pour nous, ça remporte franchement la palme du produit générant des déchets inutiles parce qu'elles sont elles-mêmes en mousse polyuréthane. Oh. Elles sont emballées dans un blister non recyclable. Elles sont livrées dans un grand paquet en carton. Donc le produit n'a vraiment rien pour lui. Et puis ça doit être encombrant, confort. Coûteux et franchement peu performant. Les éponges réutilisables, elles soulèvent de leur côté quelques questions sur leur sécurité à l'usage. Parce qu'entre chaque pore, il est recommandé de les rincer à l'eau froide, puis de les nettoyer avec de l'eau chaude et du savon doux, et enfin de les laisser sécher à l'air libre. Alors, est-ce que c'est suffisant pour retirer tout le sang et débarrasser l'éponge d'éventuelles bactéries ? Je ne sais pas. Alors, certains conseillent de les stériliser à chaque utilisation plutôt qu'à chaque cycle, en plus. On termine sur les tampons lavables, les disques et les coupes. Alors, les tampons lavables en coton sont moins connus. On peut les faire nous-mêmes. Ça a des performances un peu minimes. Les disques menstruels se démarquent avec une excellente contenance. Et les coupes aussi, même si on pense qu'elles conviennent un peu mieux à des flux moins abondants. Voilà. Mais on a le choix en fait, maintenant, oui. C'est ça qui est bien. Et puis plus de transparence, comme vous le disiez, mais enfin, il a quand même fallu attendre 2023, c'est hier. Oui, tout à fait. C'est un peu triste quand même, parce qu'il y a eu quand même des accidents graves avec ce choc. Oui, avec ça. Et puis, voilà, c'est malheureusement... c'est une réalité féminine, ce n'est pas une préoccupation masculine. C'est pour ça que j'ai dit, les hommes, vous pouvez écouter quand même. Eh bien, merci Joël pour tous ces conseils, une fois de plus. On en prend plein notre baluchon de conseils pour ne pas se faire avoir et puis pour bien savoir tout ce qu'on consomme avec Joël Constanza qui vient chaque semaine pour nous donner tous ces fameux conseils. Merci Joël. Merci. On se retrouve la semaine prochaine à 13h pour une nouvelle chronique Conso.